traîne dans les rues sales. Je traîne dans les rues seules. Je m'entraîne dans le vaisseau. Je l'ai basé dans la cuisine. On a grandi dans la misère. Dans la journée fait midi-stère. C'était mauvais pour les biceps. Recal les videurs dans le visu. Traîne dans les ruelles. Ma cilia est cruelle, arpente le bloc en TN, esquive la AAQL. En vrai j'suis pas comme eux, ouais, j'rappe parce que j'ai pas commis, ouais. Dans un espace confiné, j'vends la drogue, j'veux pas me confier. Non, je ne veux pas reculer, de toute façon j'peux plus reculer. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de tout, il me faut ma part enculée. Tu le sais que ça part en couille, Marseille c'est nous enculés. Ça fait des mois que j'prends sur moi, en plus tu parles enculé, ouais. J'ai personne pour me raisonner, ma taille pour me consoler. Le regard vers le ciel, oh maman, je suis désolé. Oh maman, je suis désolé. Le regard vers le ciel, oh maman, je suis désolé. Ay, yo quiero mi dinero. Ay, la droga la vendo. Mi futuro ven primero. Ay, que vida de loco. Ay, yo quiero mi dinero. En avance, ça me freinerait dans ma lancée. Faut que je vois mes patients, ils ont besoin de moi pour pioncer. Elle me demande si je suis laid, ouais. Les yeux rougis, je porte encore l'odeur de la terre. J'y passe la nuit, rentre chez toi, moi je reste compté. Le PNF est compté. Je suis dans les ténèbres, auto laisse tomber. Qu'est-ce qui me reste en vrai? Pourquoi je reste en vie? Je raconte ma life comme si la douleur pouvait s'estomper. Non, je ne veux pas reculer, de toute façon je peux plus reculer. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de tout, il me faut ma part enculée. Tu le sais que ça part en couille, Marseille c'est nous enculés. Ça fait des mois que je prends sur moi, en plus tu parles enculé, ouais. J'ai personne pour me raisonner, ma taille pour me consoler. Le regard vers le ciel, oh maman, je suis désolé. Oh maman, je suis désolé. Le regard vers le ciel, oh maman, je suis désolé.